Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes le 24 août 2016. Voici les grands titres de ce journal, la grande édition de la mi-journée. L'on s'achemine vers la suppression de la limitation des mandats présidentiels dans la constitution burundaise. C'est du moins l'avis exprimé par la majorité des Burundais ayant participé aux rencontres organisées par la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais. Cette commission vient de présenter son rapport semestriel. Et le carburant manque toujours et les opérateurs dans le transport en commun rémunérés disent travailler à perte. Reportage dans ce journal. Dans le reportage aussi du jour, nous irons à Chibitoke où les agriculteurs manquent de débouchés pour leurs produits. Le ministre en charge de l'agriculture a promis hier la construction d'une usine de transformation de tomates, notamment. Et notre invité, c'est le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, Christina Medjo, nous parlera du sort réservé aux Burundaises vivant en Arabie Saoudite comme des esclaves. Isanganiro, la radio de l'avenir. Insécurité pour ouvrir ce journal. Deux hommes ont été tués, un fusil et une moto saisis. Cela s'est passé ce mardi sur la colline Senga, en commune Boutézi de la province Ruyigi. Selon des sources administratives, ces deux personnes tuées étaient des voleurs qui étaient poursuivis par des ressortissants de Mubuga, en commune et province Gitega, qui avaient été victimes de vol. Le commissaire provincial de la police à Ruyigi conseille à la population de ne plus se faire justice. Jean-Claude Chimirimana. Fourni par l'administrateur de la commune Boutézi dans la province Ruigi, l'un des deux hommes est tué est né à Magarama en commune et province Gitega et l'autre est originaire de la commune Muhuta de la province Bujumbura. De par les informations recueillies à la colline Senga confirmées par les responsables administratifs, les deux hommes armés d'un fusil et d'une grenade ont été arrêtés ce mardi vers 15h par la population à la colline Senga en commune Boutézi de la province Ruigi au moment où ils étaient en fuite après le vol d'une moto à bord duquel ils roulaient qu'ils avaient commis à Mubuga en commune et province Gitega. Subitement, en attendant que la police arrive pour récupérer les deux hommes déjà ligotés par la population, un groupe de motards venus de Gitega sont arrivés sur le lieu et ont directement battu à mort les deux hommes arrêtés à coups de gourdin. Le commissaire provincial de la police à Ruigi Mukoko Edouard dit que les deux hommes étaient déjà tués à son arrivée à la colline Senga et précise que les motards venus de Gitega qui les ont tués ont directement pris fuite juste à son arrivée. Il fait savoir en outre que le fusil saisi est tombé de la police et que la moto volée a été remise à son propriétaire tandis qu'une recherche est en cours pour retrouver la grenade lâchée par les victimes. Le commissaire provincial de la police poursuit en rappelant à la population qu'il n'est pas bon de se faire justice et promet d'organiser des réunions de sensibilisation à l'endroit de la population pour les dissuader à mener cette pratique. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Deux hommes ont été battus ce mardi sur la colline Nerukanya, commune Mwakira de la province Mwakiro de la commune de la province Muyinga. Ils disent qu'ils ont été frappés par des jeunes du parti au pouvoir qui sortaient d'une réunion du parti, d'après des sources sur cette colline. Ces hommes ont été battus parce qu'ils sont de la coalition Amizero Barundi. Du côté de l'administration, on confirme avoir eu cette information, mais qu'il n'y a pas de mésentente entre le parti au pouvoir et l'opposition. Ils invitent donc, les administratifs invitent la population à dénoncer des cas pareils pour qu'ils soient portés devant les juridictions. Et les travailleurs de la société de gardiennage CSECO Security Services Company s'indignent parce qu'ils n'ont pas touché leur salaire depuis le mois de juillet. Ils disent que la direction est déjà au courant de ce problème, mais ne réagit pas. Christella Nizigama. Ces travailleurs de la société de gardiennage Security Services Company, regroupés autour de 400, ils ne revendiquent pas leur salaire seulement. Ils disent que même ceux qui sont au chômage technique ne retournent pas au travail, ce n'est que le favoritisme qui compte.

Merci aussi Christian, merci Christina. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. L'on s'achemine vers la suppression de la limitation des mandats présidentiels dans la constitution burundaise. C'est du moins l'avis exprimé par la majorité des Burundais en participant aux rencontres organisées par la Commission nationale pour le dialogue interburundais. Cette commission vient de présenter son rapport semestriel au président de la République. Et le carburant manque toujours et les opérateurs dans le transport en commun rémunéré disent travailler à perte. Entre-temps, le ministère de l'Énergie reconnaît que le carburant est disponible au pays, mais qu'il y a un problème de gestion de cette or noir. Et dans le reportage du jour, vous avez suivi qu'à Chivitoke, les agriculteurs manquent de débouchés pour leurs produits. Mais le ministre de l'Agriculture a promis hier la construction d'une usine de transformation de tomates, notamment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci Audio, à la cabine technique, Séraphine Hakizimana et Nadia Sabimana, stagiaire. Bon après-midi à tous.